Bonjour tout le monde et bienvenue dans une autre émission spéciale de La Voix des Guerriers. Aujourd'hui, on est là pour vous parler du UFC 106, dont la carte principale va nous présenter le combat final entre Tito Ortiz et Forrest Griffin. Ce sera un combat revanche entre les deux, puisque Griffin a perdu leur premier duel. Alors, l'événement a lieu à Las Vegas. On est revenu à la maison mère du UFC, au Mandalay Bay Events Center. Alors, c'est là où tout ça se passe, là, vraiment, le siège social du UFC, c'est à Las Vegas. On s'est réservé un bel événement, mais malheureusement, il y a un combat déjà qui a été annulé, puisque notre, mon ami, celui en qui je portais toute ma confiance, eh bien, ne pourra pas y être. Il s'agit de Caro Parisian, qui ne sera pas là pour son duel face à Dustin Hazelett. C'est dommage parce que moi et Fred, on avait beaucoup de plaisir à penser, à voir quel genre de combat ça allait donner. Je pense qu'on anticipait un beau combat entre les deux gaillards. Eh bien, Parisian croule sous la pression. Il n'y sera pas et probablement qu'on ne le reverra pas de sitôt dans le UFC, à moins vraiment qu'il remette sa carrière sur les bonnes rails, puis des bonnes prestations, mais ailleurs pour commencer, parce que le UFC va lui dire bye-bye, parce que ça fait déjà quelques réprimandes qu'on doit lui donner, parce qu'il y a eu quelques petits problèmes hors octogone. Ça, on va vous en parler plus en profondeur dans notre prochaine édition de La Voix des Guerriers, édition bien normale, standard. Mais aujourd'hui, on se consacre aux combats qui vont être sur la carte du UFC 106. Et avant de commencer, évidemment, on salue Fred L'Homme Nouvelle Garcia, qui est toujours là à mes côtés pour m'aider à vous parler de cet événement-là. Alors, bonjour Fred. Salut Ken. Un autre beau UFC à venir, c'est le fun. Des temps bien occupés dans le MMA de ce temps-ci. Oui, les événements s'enchaînent, et quand c'était pas du UFC dans ce mois de novembre-là, on a eu un événement de la WEC, un superbe événement à le Strikeforce, et là, le mois de novembre s'achève, mais déjà le mois de décembre risque d'être, somme toute, assez intéressant. Alors, commençons dans ce pas avec le premier combat qui va être présenté sur Spike TV. Si vous n'avez pas Spike TV, là, faites quelque chose. Il faut absolument avoir Spike TV pour avoir droit, bon, entre autres, à la série The Ultimate Fighter, et surtout des épisodes et des combats préliminaires des galas principaux du UFC. Alors commençons avec le premier combat sur Spike TV qui va vous être présenté, qui va poser Kendall Grove, un géant de 6 pieds et 6 pouces, qui affronte Jake Rosholt. Alors ce sont deux Américains du côté de Kendall Grove, beaucoup d'expérience, même s'il a un jeune âge, a seulement que 27 ans. Comme je vous l'ai dit, 6 pieds et 6 pouces pour la catégorie des 185 livres, alors c'est vraiment un géant. S'entraîne avec B.G. Penn et également une fiche de 10 et 6, excellente au sol, debout évidemment, il y a une portée intéressante, pas nécessairement une grande puissance de frappe, pas nécessairement le meilleur boxeur, pas un gars qui utilise ses jambes de manière vraiment très régulière, mais il se débrouille debout, très bon au sol, il est capable de bien faire, je pense, face à Jake Rosholt, qui est, lui, un expert en lutte. Il a 6 victoires contre une défaite. Sa seule défaite, il l'a subie à son premier combat dans l'organisation UFC. C'était face à Dan Meller, qui rapidement avait réussi à lui placer une guillotine en début de combat. Mais là, on va voir ce que Rosholt pourra faire face à Grove. Alors, Fred, ton avis sur ce combat? Ben, je pense que on s'en avait parlé un peu à La Voix des Guerriers. Rosholt, comme tu dis, c'est un gars qui arrive avec beaucoup d'attention à cause de son expérience en lutte collégiale. Alors moi, je pense que je vais y aller avec Rosholt, le jeune qui va surprendre, ben il est pas si jeune, 27 ans, qui va surprendre Kendall Grove, qui a un peu plus d'expérience, si on veut, en nombre de combats, mais sa fiche est pas si impressionnante que ça. Et je pense que Kendall Grove est dans une situation peut-être que lui, il peut pas se permettre de perdre parce que sa carrière va en montagne russe. Mais d'une autre façon, l'UFC lui donne pas de bonbons. Là. Rosholt, ça va être un challenge assez dur pour lui. Alors moi, je vais y aller avec Rosholt. Oui, du côté de Rosholt, beaucoup de cœur. Ceux qui ont vu son combat dans la WEC face à Nissan Osternek, c'était vraiment un combat coup pour coup assez spectaculaire que Rosholt l'avait emporté in extremis. Alors c'est un gars qui est capable d'échanger debout. C'est pas le plus grand styliste, mais beaucoup de cœur et peut échanger coup pour coup. A pas peur d'encaisser. D'autant plus que là, face à Kendall Grove, c'est pas le cogneur le plus puissant qu'il va affronter, mais toujours un avantage côté porté pour Kendall Grove avec ses 6 pieds 6, évidemment. Ça, c'est tout à son avantage. Mais par contre, avec la grandeur qu'il a, et Rosholt, un expert en lutte, va peut-être avoir assez de facilité à aller chercher ses jambes puis amener le géant 10 pieds 6 au sol. Mais rendu là, Grove, il n'est pas dépourvu parce qu'il a un solide jujutsu brésilien. En plus, entraîne avec BG Penn par les temps qui courent. Alors, ce sera un combat intéressant. Mon ami Fred, il va avec Jake Roschel. Et moi, je vais y aller avec le géant de 6 pieds 6 pouces, Kendall Grove. Un peu plus d'expérience du côté de Grove. Il s'est entraîné avec auparavant Tito Ortiz et tout le tralala. Maintenant, avec BG Penn, je pense que c'est un gars 27 ans, tout comme son adversaire, dans la fleur de l'âge, mais encore plus expérience du côté de Grove. Il est sur peut-être pas une bonne lancée puisqu'il a perdu son combat, malgré une belle prestation face à Ricardo Almeida. Je pense que ce combat-là est à la portée de Kendall Grove. Alors voyons voir, le rendez-vous, c'est le 21 novembre, ce samedi, faut pas manquer cette carte-là du UFC, puisque en plus de ce combat Grove et Rushholt, Spike TV nous présente également un duel qui s'annonce intéressant debout, puisqu'on a Marcus Davis, qui a beaucoup d'expérience en boxe notamment, a fait quelques combats de boxe professionnels, et il affrontera Ben Saunders, un pratiquant de Jeet Kune Do, bon, à l'époque, là, mais maintenant évidemment un combattant de MMA. Saunders, un gars avec beaucoup de talent debout, je pense, des genoux, des jambes, des mains assez rapides. Mais par contre, moi, il m'a déçu dans son dernier combat face à Mike Swick, où il a hésité, il n'a pas vraiment échangé debout face à Mike Swick. Alors là, j'ai hâte de voir ce que Saunders va pouvoir faire face à Marcus Davis. Oui, ben moi, je trouve que c'est un combat intéressant. Premièrement, du côté de Saunders, moi j'aime bien Saunders parce que je trouve qu'à 6 pieds 3 et une fois la pesée faite, il paraît comme un gros 170 livres. Alors, j'ai toujours bien aimé Ben Saunders. Comme tu dis, la dernière fois, il a perdu contre Mike Swick. Moi, je pense qu'il s'est fait prendre puis que malheureusement, ça arrive. Swick a des bonnes mains, il l'a montré par le passé puis il a réussi à le sonner et finir Saunders. De l'autre côté, Marcus Davis, lui, ça n'est un autre aussi que j'aime bien. Il a un style un peu différent, si on veut. C'est il est bon avec ses poings, mais il est plus petit et plus fait carré, fort. Mais a des excellentes mains aussi. Alors, ça devrait être un bon combat. Puis les deux, c'est des gars, comme on disait dimanche dernier, qui ont quand même du courage dans la cage, qui donnent tout ce qu'ils ont. Alors, ça devrait donner un bon résultat. Comme je dis, Saunders, la dernière fois, je pense qu'il s'est fait sonner. Puis ça peut arriver, là. Alors, moi, j'ai encore confiance en lui. Oui, et j'espère que là, il va accepter le combat debout, parce que moi, il m'avait déçu, honnêtement, face à Mike Swick. Et là, face à Marcus Davis, qui a, comme tu dis, des bonnes mains, s'entraîne avec Marc de la Grotté du côté de Marcus Davis. Il a 36 ans, un peu âgé, beaucoup d'expérience, je vous le disais, en boxe professionnelle. Il a fait 20 combats en boxe professionnelle, il est allé chercher 17 victoires. Il a une défaite et deux combats nuls. Alors évidemment, une boxe qui va être à l'avantage. Les mains, je pense, à l'avantage de M. Davis. Mais par contre, les jambes, les coups de genoux de Saunders peuvent être très efficaces, mais Saunders n'aura peut-être pas trop intérêt à se rapprocher trop rapidement de Davis, puisqu'il a les mains rapides, agiles, et qui ont déjà été efficaces par le passé. Ça peut être un danger pour Ben Saunders, qui a une défaite, c'était dans son dernier combat, face à Mike Swick, et du côté de Marcus Davis, lui également son dernier combat. C'était soldé par une défaite, c'était face à Dan Hardy, une décision partagée, un excellent combat. Bien chaud, bien serré, qui peut-être va nous demander d'avoir un combat revanche éventuellement. Du côté de Davis, une fiche de 16 victoires pour 5 défaites. Par la suite, on continue avec la carte qui va être présentée sur le pay-per-view. On a une jeune recrue qui n'est pas si jeune que ça en âge, mais qui n'en sera qu'à son troisième combat professionnel en MMA. Il s'agit d'Amir Sadollah qui affronte Phil Baroni, qui lui a bon, beaucoup d'expérience, mais pas un grand styliste non plus. Un gars qui a du cœur au ventre et qui n'est pas sur une excellente lancée par contre. Son dernier combat, c'était dans l'organisation Strikeforce. Il avait perdu face à Joe Riggs. On parle ici de Phil Baroni, 13 victoires et 11 défaites. Il s'entraîne avec Hammer House, ça c'est Mark Coleman, Kevin Rundleman et Wes Sims. 5 pieds 9 pour 33 ans. Et il vient tout juste, je pense, de descendre dans cette catégorie de poids-là, les 170 livres, parce qu'auparavant, on le voyait dans des catégories beaucoup plus lourdes, puisque Baroni a quand même une musculature, disons, impressionnante et très pompée, le monsieur. D'ailleurs, il a déjà été pris à avoir consommé des substances illicites, mais là, il est revenu de cette suspension-là. Voyons voir ce qu'il va pouvoir faire par le UFC. Il a déjà combattu pour l'organisation, était reparti. Et là, honnêtement, je ne sais pas pourquoi on est allé chercher, sinon que c'est un gars qui a du charisme, et bon, sinon, l'affiche n'est pas convaincante, et ses performances, somme toute d'habitude, quand même spectaculaires, même quand il perd, il a du cœur au ventre, il est capable d'échanger, mais est-ce que Amir Saadullah s'est bien repris de sa défaite face à Johnny Hendricks, parce que Hendricks avait des mains lourdes, et là, Barone aussi. Fred, qu'est-ce que tu penses de ce duel? Ben, tu vois, sur MMAnouvelle.com, j'ai lu des commentaires intéressants que je pense que certains ont peut-être une trop haute opinion de Phil Baroni. Je vais dire ça tout de suite, là, parce que moi, je considère pas Phil Baroni un grand athlète de MMA. Je suis bien content de le voir parce qu'il me fait rire, Phil Baroni. Il a des belles entrées et il est fort. Il a quand même des bonnes mains et tout. Mais Saadullah, malgré qu'il ait juste deux combats en carrière, je considère qu'il est plus un combattant de MMA que Baroni, quasiment. Alors, moi, je vais y aller avec Saadullah. Je pense que l'UFC lui a donné un vétéran qui est pas trop dangereux. Alors, Saadullah qui a eu beaucoup d'attention après avoir gagné l'Ultimate Fighter, puis avait été blessé par après, je pense qu'il doit gagner un combat contre Baroni, puis je pense qu'il va gagner. Oui, mais par contre, beaucoup plus d'expérience du côté de Baroni. Du côté de Saadullah, pas nécessairement une grande puissance de frappe avec ses mains, alors que Baroni, quand même, a beaucoup de puissance dans chacune de ses mains. D'ailleurs, il a 9 de ses 13 victoires par KO ou TKO. Donc ça le démontre. Alors que Saadullah, sa seule victoire, c'était grâce à une soumission face à CB Dollaway. Vous vous en rappelez sans doute. Une belle clé de bras. C'est un gars qui a une ceinture noire à Sambo. Il se débrouille bien au sol. Mais attention, Baroni, bon, au sol, c'est pas un magicien. Mais quand même, parmi ses 11 défaites, ne s'est fait soumettre qu'à 2 reprises. Alors, c'est un gars, quand même, il abandonne pas facilement. Et l'une de ses soumissions, c'était face à Frank Shamrock. Et c'était quand même assez loin dans le combat, à la fin du deuxième engagement, où, bon, Baroni était beaucoup plus lourd à ce moment-là. Combattait à 185 livres et était épuisé, exténué. Là, bon, on imagine qu'il a perdu un peu de masse musculaire et un peu de gras pour descendre à 170 livres. Il va peut-être avoir un cardio un peu plus décent, mais encore une fois, ça n'a jamais été sa force. Et plus le combat va avancer, évidemment, plus ce sera à l'avantage d'Amir Saadullah. Mais du côté de Saadullah, dans son dernier combat, a été ébranlé assez rapidement face à des mains lourdes de Johnny Hendricks. Baroni, je pense, a au moins autant de puissance dans les mains que Johnny Hendricks. Alors, voyons voir ce que Saadullah va pouvoir faire face à l'expérimenté Phil Baroni, qui a déjà 33 ans. Alors que Saadullah, bon, il n'en sera qu'à son troisième combat, mais il a déjà quand même tout de même 29 ans. Oui, juste un dernier mot, je voudrais dire sur Baroni. Tu dis qu'il y a beaucoup de combats, mais l'affaire, c'est qu'à son dernier combat, il a affronté Joe Riggs. Et avant ça, il y a eu beaucoup de noms inconnus entre son combat avec Frank Shamrock, qui a perdu aussi. Alors, c'est pour ça, moi, l'affiche de Baroni, elle m'impressionne pas plus que ça. J'aime bien Phil Baroni, si on veut, le caractère, le showman. Je trouve qu'il amène le spectacle, puis je suis bien content de le revoir. Mais en tant que combattant, je suis pas. Même s'il réussirait à remporter une victoire, je suis pas très convaincu de cette signature-là. Non, effectivement, c'est un peu surprenant qu'on ait été chercher Phil Baroni alors que Strikeforce, quand même, à 170 livres, a Jake Shields, qui, bon, on va tous convenir. Parce que tu sais, moi j'aime bien Strikeforce, Exact. je me rappelle très bien de son dernier combat contre Joe Riggs, et Joe Riggs avait été très très impressionnant contre Phil Baroni, il avait dominé le combat tout le long. Alors même Joe Riggs, comme je dis, aurait plus mérité une chance que Baroni, selon moi, pour revenir dans l'UFC, mais en tout cas, on verra bien. Baroni qui est ami avec Mark Coleman et tout, peut-être que ça y a ouvert les portes. Oui, et on poursuit maintenant. On y va avec un combat, je pense, un plus intéressant, avec des gars vraiment très solides. On est dans la catégorie des 205 livres et ce seront deux Brésiliens qui vont s'affronter. Il s'agit de Luis Arthur Kane, qui a déjà quelques combats dans l'organisation du UFC. Une très belle fiche, notamment 10 victoires contre seulement qu'une défaite. Et c'était face à James Irvine. Et c'était suite à une disqualification, suite à un coup de genou porté d'en face de James Irvine, alors que le combat était au sol. Évidemment, ça, c'était illégal. On avait disqualifié Arthur Kane. Mais sinon, ce ne sont que des victoires. Et seulement qu'une s'est rendue à la décision. Sinon, 9 de ces 10 victoires, c'est terminé avant la fin du combat. Il affronte l'expérimenté, 33 ans, le jumeau du poids lourd Nogueira du UFC. Il s'agit d'Antonio Rogério Nogueira. 17 victoires pour 3 seules défaites. Et lui, là, quand même, il est habitué à affronter des gars de bon calibre. Dans ses derniers combats, il n'a peut-être pas tout le temps affronté les meilleurs. Mais là, je pense qu'il est revenu, il arrive dans une grande organisation majeure, s'entraîne avec, évidemment, son frère Nogueira et Anderson Silva. Alors, c'est un gars vraiment qui, je pense, peut changer un petit peu la figure des 205 livres du UFC et ajouter quelque chose de différent et de très intéressant. J'ai hâte de voir ce combat-là. Et Fred, à qui tu penses qu'il va repartir avec la victoire? Oui, ben, je suis bien content que tu donnes toute cette attention-là à Nogueira, parce que on a déjà parlé, moi j'aime bien Kane, et là, surtout que le combat Parisian à Hazlett qui a été cancellé, il va falloir qu'on concentre notre débat, je pense, sur ce combat-là, parce que moi je vais y aller avec Lewis Kane, qui je pense est un jeune loup qu'on n'entend pas beaucoup parler à 205 livres, mais qui a du potentiel pour faire beaucoup de bruit. Il y a excellent stand-up et supposé d'avoir un excellent jiu-jitsu, on l'a un peu moins vu, mais c'est ça. Alors Lewis Kane, moi c'est un jeune que j'aime bien, puis je vais y aller pour si on veut une surprise dans ton cas, que moi je considérerais pas une surprise. Oui, non, honnêtement, Kane a une très belle fiche, réussit à se défendre de bons combattants, mais jamais des combattants, je pense, du niveau que Nogueira s'est déjà frotté. Du côté de Nogueira, bon, je pense qu'il est un bien meilleur boxeur que son frère l'est dans les poids lourds. D'ailleurs, Nogueira est un boxeur amateur, puis en 2006, en 2007, a gagné le titre national dans son pays. Il a également une médaille de bronze aux Jeux panaméricains. Ça, c'était en 2007. Alors, debout, bon, pas nécessairement des jambes à tout casser, puis il les utilise d'ailleurs à quelle occasion, mais il a des bonnes mains. Pas une grosse puissance de frappe, mais quand même des bonnes mains. Il se défend très bien debout et au sol aussi solide que son frère. Alors, moi, j'y vais avec Nogueira, mais Kane, évidemment, c'est un gars avec du talent. Mais là, il affronte quelqu'un, je pense, de beaucoup plus expérimenté. Et moi, j'y vais avec Antonio Rogério Nogueira, qui va, d'après moi, aller chercher une 18e victoire. Ouais, ben tu vois, moi je veux dire, sur la carte, ce combat-là et le combat entre Koscheck et Johnson, si on veut d'un point de vue technique, comme je disais dimanche, c'est mes deux combats préférés. Alors c'est sûr que je vais garder un très bel œil là-dessus, là, attentif à voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que des deux côtés, que ce soit Nogueira ou Kane, je suis intéressé de savoir comment ils vont agir dans ce combat-là. Oui, puis c'est son premier combat dans le UFC pour Nogueira. Et déjà, dans le passé, il a réussi à battre des gars avec de haut calibre. Et bon, on pense à Alistair Overeem, Dan Anderson. Ça va être un bon combat que ce duel entre Brésiliens. Par la suite, on a un autre Brésilien, Paulo Thiago, celui-là. Il va affronter Jacob Volkmann, dont honnêtement, là, je vais être sincère avec vous, j'ai aucune idée qui c'est. Alors, on va le découvrir. Probablement ensemble, ou si vous le connaissez déjà, bien, vous allez le voir à l'œuvre face au Brésilien Paulo Thiago, qui a 11 victoires et une défaite du côté de Thiago, avec 7 de ses 11 victoires par soumission, solide au sol du côté de Paulo. Dans le UFC, il lancera son troisième combat. Il a une victoire et une défaite. Sa victoire face à Josh Koscheck, sa défaite face au partenaire de Koscheck, soit John Fitch, ou Fitch l'a contrôlé durant 3 engagements. C'est une ceinture noire en judo et en jiu-jitsu brésilien. Il affronte Jacob Volkmann. Il a 9 victoires. C'est son premier combat dans le UFC. Et chanceux, il va entamer sa carrière dans le UFC sur une carte principale, puisque ce duel entre Volkmann et Thiago remplace lui de Parisian et Dustin Nazareth, qui était tout simplement annulé à cause de Monsieur Parisian. Et ses 6 victoires sur ses 9 victoires, Volkmann, donc 6 par voie de soumission. Alors, démontre quand même qu'il doit avoir une bonne habilité au sol. On va bien voir ce que ça va donner face à un expert comme Paulo Thiago. Oui, ben regarde, on s'attendait pas à parler vraiment de ce combat-là. Et on a parlé un peu dimanche de Paulo Thiago, que je pense qu'il a de l'air un peu faible pour 170 livres. Il m'a de l'air, j'ai aucun doute qu'il a un super de bon jiu-jitsu et il a réussi à surprendre Koscheck. Mais on l'a vu contre John Fitch qu'il a de l'air peut-être un peu à manquer de force physique. Et une autre chose que je voulais dire à propos de ce combat-là, c'est que selon ce que je comprends, là, les plus heureux dans Parisian, du fait que Parisienne s'est désisté, c'est Thiago et Volkman, mais surtout parce que, d'après ce que je comprends, quand un combat de même arrive sur la carte principale, les sponsors vont donner pas mal plus d'argent aux deux parce que le combat est assuré à être sur la carte télévisée. Alors les deux, ils doivent avoir un sourire puis remercier Caro Parisienne d'avoir fucké un autre combat. Eh oui, et là, je pense qu'on arrive avec un combat très intéressant. Tout le monde l'attend parce que le gagnant va probablement avoir droit d'affronter ou de réaffronter Georges Saint-Pierre, puisque Koscheck, lui, il l'a déjà fait, connaît l'expérience Georges Saint-Pierre. Johnson aimerait probablement, on s'imagine, avoir sa chance pour la ceinture des 170 livres. C'est un combat entre Josh Koscheck et Anthony Johnson. Koscheck, 13 victoires, 4 défaites, s'entraîne avec l'American Kickboxing Academy. Il a 5 pieds 10, une portée de 73 pouces. Alors, du côté d'Anthony Johnson, 8 victoires et 2 défaites. Mais ces 2 défaites, bon, on en a déjà parlé dans le passé, moi puis Fred, sont un peu explicables, dont une, c'était suite à une coupure à l'œil, je pense, de Johnson, qu'il avait subi face à Kevin Burns. Alors, c'était un peu un accident dans le combat. Et d'ailleurs, il a repris ce combat-là face à Burns et il l'a remporté quelques mois plus tard. Et sa défaite précédente face à Rich Clemente par étranglement arrière également. Je pense que Fred nous avait expliqué qu'Anthony Johnson avait dû faire une coupure et avait pris le combat un peu dans les derniers, à court terme. Trois semaines, exactement. Et on sait qu'Anthony Johnson est un très gros 170 livres, alors ça faisait une très grosse coupe de poids qu'il n'avait pas réussi à faire à ce moment-là non plus. Alors, du côté de Johnson, vient tout juste de remporter un combat face à Yoshiaki Yoshida. Alors, deux coupures comme ça, coup sur coup, là, en l'espace d'un mois, ça peut être difficile également sur le corps. Voyons voir comment il va réagir, Anthony Johnson. Mais c'est 6 pieds et 2, portée de 178 pouces. Alors ça, c'est 5 pouces à la portée. À l'avantage de Johnson, c'est quand même gigantesque. Il n'a que 25 ans. Il semble être un athlète là, quand même remarquable. Il s'entraîne avec Kong Lee. Alors que Kong Lee, ben, vous le savez, lui s'entraîne avec l'American Kickboxing Academy. Alors quand même, il y a un lien assez proche entre Johnson et Koscheck. On a bien hâte de voir ce duel-là. Parle-moi de ton avis. Bon, là-dessus, je pense que Fred, toi, tu y vas sans aucun doute avec Anthony Johnson. Ouais, ben moi, je suis un grand amateur d'Anthony Johnson. Je le vois comme, peut-être pas à court terme, mais tu vois, avec une victoire impressionnante, je serais quasiment prêt à y donner tout de suite une chance contre Georges Saint-Pierre. En tout cas, du moins avant Dan Hardy. Alors, c'est ça. Moi, je le vois comme un opposant potentiel à Georges Saint-Pierre. Là, si, admettons, il y aurait une chance, disons, dans les prochains 6 mois, c'est sûr que je le pense pas prêt pour affronter Georges Saint-Pierre, mais affronter Georges Saint-Pierre pourrait l'aider à le réaffronter dans un an ou deux. Parce que dans un an ou deux, je peux voir Anthony Johnson comme une très grosse force à 170 livres. Physiquement, il est tellement imposant. Et on sait qu'il y a des bonnes techniques, que ce soit en lutte ou en kickboxing. Il y a de la force et tout. Alors, Anthony Johnson, c'est un gars que j'aime beaucoup à 170 livres. Oui, il semble avoir beaucoup de talent, Johnson. Mais là, il affronte Koscheck, puis Koscheck, bon, je vous l'ai dit, là, beaucoup plus petit, une portée également, qui ne l'avantage pas du tout. Alors, Koscheck, je pense, il n'aura pas le choix, c'est de tenter d'amener le combat au sol. Et il est tellement bon en lutte, Koscheck, beaucoup d'expérience au niveau collégial aux États-Unis. Bon, à l'école, il était une bête, là. 4 fois, il a participé, a fait partie de la division 1. De la NCAA américain au collège. Alors ça, c'est quand même remarquable. Le remporter à une reprise est placé dans le top 4 dans chacune de ces années-là. Alors évidemment, le Koscheck, un excellent lutteur, un excellent athlète également. Il a une bonne main arrière, mais là, avec la portée qui avantage tellement Johnson, je pense que Koscheck, lui, a tout avantage à faire tout ce qu'il peut pour tenter d'amener le combat au sol. Et Koscheck a un peu plus d'expérience. Peut-être que ça va l'aider. Et moi, j'y vais avec Josh Koscheck parce qu'il a plus d'expérience, puis parce que c'est un gars également, je pense, qu'il est capable d'encaisser des coups. Bon, il a été surpris par Paulo Thiago, mais avant ça, là, moi, je l'ai vu dans des duels spectaculaires. Face à Georges Saint-Pierre, il a perdu, mais quand même, le combat a duré 3 engagements, c'est rendu à la limite. Koscheck, c'est un vrai. Alors moi, je vais y aller avec Koscheck parce qu'il est un peu plus expérimenté. Alors, Fred, t'es toujours avec moi? Oui, excuse. Parfait. Moi, comme je te disais, j'y allais avec Anthony Johnson. Alors, c'est bon, on a des choix différents, puis On va voir les résultats. Là, tu n'as pas mentionné encore le pari virtuel. Je suis déçu parce que je te croyais vraiment en amour avec le jeu, là. Alors, Oui. j'imagine que tu as mis tes crédits sur quoi à date, là? Cash Check, Noguera et Brownie ou Sadola? Je pense que je suis allé avec ça de là, mais à peine. J'avais tout mis, moi, sur mon ami Caro Parisienne, en qui je croyais vraiment, là. Moi, j'étais convaincu qu'il allait remporter ce combat-là. Alors, j'ai vraiment tout mis sur lui. Je suis vraiment déçu de Caro Parisienne, qui aura vraiment à travailler dans sa vie personnelle. Je pense qu'il y a de la difficulté à gérer la pression, peut-être, de combat. Puis on le comprend également. Écoutez, je sais que bon, on est au Québec, nous autres, puis on sait qu'au hockey, il y a des joueurs avant un affrontement, surtout dans le passé, face aux grosses équipes de Philadelphie ou de Boston, où les gars savaient que là, ils s'en allaient à la guerre, puis ils allaient se faire frotter les oreilles par des gaillards. Mais là, on comprend également qu'un combattant de MMA, ça doit être difficile à gérer cette pression-là avant un combat. Et bon, apparemment, notre ami parisien a de la difficulté à gérer ça. Il y a de la. Je pense qu'il y a beaucoup de talent, le gars, puis il va devoir travailler là-dessus, bien s'entourer, peut-être avoir du monde qui va être capable de l'aider. Puis un psychologue peut-être sportif, je pense que ça n'a pas fait de tort. Georges St-Pierre a eu cette humilité-là. Suite à sa défaite face à Matt Serra, je pense, avait avoué là, qu'il allait voir un psychologue sportif, puis bon, ça a donné de bons résultats. Puis du côté de Parisienne, je pense qu'il est capable de bien reprendre sa carrière entre ses mains. On va le revoir peut-être pour Strike Force, ce serait intéressant. Ou même une organisation japonaise, ce serait également intéressant. Voir un style de judoka bien approprié en MMA face à un judoka japonais, je trouverais ça intéressant. Mais Strike Force également a besoin de gars de 170 livres pour ajouter du piquant à l'organisation. Parce que oui, on a des poids lourds intéressants. Mais il me semble que Caro Parisienne va ajouter quelque chose pour toute organisation. Parce que là, je pense que l'aventure UFC pour lui, en tout cas à court terme, probablement à moyen terme, c'est fini pour lui. Ouais, ben ma mauvaise langue va dire que le Japon pourrait régler son problème avec les antidouleurs, Oui, effectivement. Là. Puis je pense c'est connu d'à peu près tout le monde, là. Puis on a vu également des gars avec des physiques un peu bizarres. Mais au Japon, on ne se le cachera pas. Josh Barnett a été pris deux fois, je pense, deux ou trois trois fois. fois même, parce que deux fois en MMA, mais il y a aussi eu une troisième fois que Josh Barnett, dans les premières années de l'UFC, où ce que c'était pas réglementé, a quand même testé positif. C'est juste que ça changeait absolument rien. Il n'y avait aucune conséquence. Alors, lui, il peut avoir beaucoup de plaisir au Japon et à consommer ce qu'il veut. C'est ce que vous voulez. C'est comme ça par là-bas. Maintenant, parlons du combat principal qui, moi, m'intéresse beaucoup. Je pense que malheureusement, pour certains, ça intéresse un peu moins. Mais moi, j'aime bien. C'est deux Américains, deux gars solides. Tito Ortiz, ancien champion de UFC. Forrest Griffin également. Du côté de Griffin, bon, son règne n'a pas duré réellement longtemps. 34 ans du côté de Tito Ortiz, alors que son adversaire, Forrest Griffin, a beaucoup d'expérience également. Alors, ces deux gars, je pense qu'ils en sont à une étape dans leur carrière où ils ont besoin de prouver des choses. Du côté de Forrest Griffin, ben, vous avez vu sa mésaventure face à Anderson Silva. Il a eu l'air fou, là, Forrest Griffin. Alors lui, il a tout intérêt à revenir puis combattre comme il l'a fait dans le passé, c'est-à-dire s'arracher le cœur dans l'octogone, ben, recevoir des coups, mais en donner, puis y aller coup pour coup. C'est comme ça que Griffin a eu du succès. C'est comme ça que Griffin s'est fait apprécier des amateurs de MMA. Dans son dernier combat face à Anderson Silva, il a eu terriblement l'air fou. Là, je pense qu'il n'a pas le choix. Griffin, s'il veut continuer avec l'organisation majeure, s'il veut continuer à aller chercher des cachets intéressants, là, il va falloir pour lui aller chercher toute une performance puisqu'il est sur deux défaites. Alors que Tito Ortiz, lui, s'est absenté pendant quelques temps, plusieurs mois. Il en est à un retour pour le UFC. Avait quitté l'organisation suite à sa défaite face à Lyoto Machida. Puis on l'a vu là à peu près avec essayer de se lier avec Strike Force, Affliction, a eu des relations, mais ça n'a pas abouti et peut-être heureusement pour nous, puisqu'on va pouvoir le revoir avec le UFC, catégorie de 205 livres. Tito Ortiz, 15 victoires, 6 défaites, il a un combat nul. Son combat nul, c'était face à à Rashad Evans, alors que Griffin l'affrontait également à Rashad Evans, mais malheureusement pour lui, Griffin, Evans l'avait emporté. Du côté de Tito Ortiz, il a 34 ans, comme je vous l'ai dit, 6 pieds 2, portée de 74, alors que Griffin, 6 pieds 2 également, mais une portée qui va l'avantager, Griffin, c'est 77 pouces, alors ça c'est à l'avantage de Griffin, mais Ortiz, il me semble qu'il a une boxe bien améliorée dans ses derniers combats. Et moi, j'y vais avec Tito Ortiz du côté de Fred. Ouais, ben tu vois, si tu m'aurais posé la question et on avait parlé il y a genre 3-4 semaines quand le combat était annoncé, moi j'y allais directement avec Forrest Griffin. Et là, depuis quelques temps, je suis en train de pencher de plus en plus vers Tito Ortiz. La chose qui me fait le plus peur, sauf avec Tito Ortiz, c'est que c'est une opération majeure qu'il a subie. Et moi je suis d'avis qu'il y a une question de timing, que j'ai peur que Tito aille pas peut-être tout de suite au premier round. Et c'est justement ça, je vais être intéressé à voir combien de temps ça va y prendre à reprendre ce timing-là. Et aussi, une certaine crainte, si on veut, qui est dans la tête de pas avoir compétitionné depuis si longtemps, ben ça fait un bon bout. Là, c'était l'UFC 84, il me semble, son dernier combat à Tito tout Ortiz. Tout à fait, oui. Alors, c'est ça. Moi, si tu me dirais que Tito Ortiz est à son niveau maximum, j'irais avec lui complètement. La seule chose, j'ai peur que ça soit Tito Ortiz ou comme on parle des fois de Patrick Côté qui va revenir. Moi, je suis d'avis qu'après une grosse opération au dos, au genou, peu importe, il y a un certain moment de réhabilitation là, qu'il faut pas négliger. Et Forrest Griffin est un adversaire de qualité. Alors, c'est pour ça que je vais y aller avec Forrest Griffin. Oui, c'est intéressant le point que tu apportes. Le synchronisme, c'est pas toujours facile à reprendre. Mais je pense qu'Ortiz, c'est un vétéran. 34 ans, beaucoup d'expérience, il y a une vingtaine de combats déjà à son actif, puis bon, il a combattu dans d'autres disciplines, la lutte au niveau universitaire, puis je pense qu'il y avait des problèmes, des maux de dos dans le passé, et là, je pense que là, tout est réglé, puis sa tête également, je pense que tout va bien dans son esprit, il a eu des démêlés avec Dana White dans ses derniers combats pour le UFC, ça, peut-être que ça lui a nuit un peu mentalement, mais là, tout semble parfait dans sa vie. Alors, moi, j'y vais avec Ortiz et ce sera intéressant de voir ça parce que je pense que les deux n'ont pas le droit de donner un combat ennuyant. Alors, ce sera inévitablement un bon combat. J'ai bien hâte de voir ce duel-là. Ortiz a remporté leur premier duel, mais ça s'était soldé quand même dans un combat très chaudement disputé. Une décision partagée à l'avantage d'Ortiz. Depuis, il y a bien des choses qui ont changé. Griffin a connu beaucoup de hauts, mais récemment, c'est plus des bas suite à ses deux dernières défaites. Alors, voyons voir ce que ça va donner. Moi, j'aime bien les mains de Tito Ortiz maintenant, mais également sa lutte. Et Griffin, on l'a vu, et pas facilement, mais il est amenable au sol. C'est pas un gars qui se défend si bien que ça. C'est pas le gars qui a le meilleur jeu de pied au monde. Un gars qui a beaucoup de cœur, mais qui, je pense, dans ses derniers combats, démontré peut-être qu'il n'avait pas nécessairement envie, comme il l'avait dans le passé, d'échanger coup pour coup et d'y aller à la guerre. Est-ce que là, il va être capable de revenir comme dans le passé? Ben, c'est ce qu'on va voir ce 21 novembre 2009. Tu vois, tu parles de Griffin et de son envie. Cette semaine, j'ai mis une entrevue sur MMA Nouvelle que j'avais sous-titrée. Et pour la première fois, j'entendais Forrest Griffin parler honnêtement. Puis c'était intéressant de l'entendre parce que trop souvent, je l'entends niaiser dans ses entrevues. Il n'est pas sérieux. Il y a un manque de sérieux. Et en même temps, pour moi, ça démontre un manque de sérieux vis-à-vis sa carrière. Et là, il parlait justement de l'aspect... Je veux pas me tromper, il disait genre que... avant, il y avait une joie à chercher la victoire, que maintenant, il y avait une peur de perdre, et puis là, il voulait retrouver la joie. Alors, d'une façon, j'aimais beaucoup comment Forrest approche ce combat-là, et finalement, on peut voir un peu un aspect plus, si on veut, réel de Forrest, là, qui peut-être pendant certaines années a fui dans ses niaiseries, puis a peut-être pas pris tout au sérieux. Je pense que ses deux dernières défaites l'ont peut-être replacé un peu en place. Alors, souhaitons-le pour lui et pour vous, chers auditeurs, ben, j'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir. N'oubliez pas, Spike TV vous présente deux combats intéressants par la suite sur le pay-per-view, lequel qui a une belle carte également pour vous. Et puis, vous avez encore quelques minutes pour aller sur mmanouvelle.com, participer au jeu de Paris virtuel et avoir beaucoup de plaisir avec ça. Et il y a des combats intéressants à laquelle vous pouvez miser vos crédits virtuels. Alors, c'est tout à fait gratuit, mais beaucoup de plaisir, ça c'est garanti. Alors, sinon, on vous laisse là-dessus et on vous invite à notre émission régulière présentée le dimanche chaque semaine, La Voix des Guerriers. Fred, t'as le mot de la fin. Ben, un autre bon UFC, et comme d'habitude, c'est le plus beau sport du monde. Appréciez ça et on s'en reparle dimanche.